En profitant du périple de son secrétaire d'État aux alentours de notre République, l'administration américaine cherche à nous menacer et faire pression. À ce propos, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 20 aux questions posées par le correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. En voici le résumé. Lors de son périple au Japon, en Corée du Sud et en Chine, le secrétaire d'État américain Tillerson a reconnu l'échec de tous les efforts américains dispensés ces 20 dernières années pour la dénucléarisation de la Corée du Nord et la fin de la politique d'Obama consistant à la patience stratégique. Et il a péroré sur la riposte militaire au cas où la Corée du Nord menacerait les États-Unis et leurs alliés. Rappelons qu'Obama a parlé sans cesse des sanctions jusqu'à son départ de la Maison-Blanche. Et aujourd'hui, c'est Tillerson qui les répète telles quelles. Le problème réside à ce que et Obama et Tillerson ne connaissent pas la cause première qui nous a poussés à l'armement nucléaire et au renforcement dynamique des forces nucléaires. Nos forces nucléaires constituent l'arme omnipotente de la justice et la force dissuasive de guerre digne de confiance pour défendre la patrie socialiste et la vie de notre peuple. Que les États-Unis regardent correctement le monde, les yeux grands ouverts. Nous avons la volonté et la capacité de répondre volontiers à toutes sortes de guerres que désirent les Américains. Si les autorités américaines d'origine entrepreneur ont pensé pouvoir nous faire peur, ils sauront bientôt que ça ne nous passe point. Le monde verra sous peu la portée remarquable de la grande victoire de la Corée, remportée dans l'essai au point fixe du jet du moteur de grande puissance.